Ma kuru tu sala tu lo ma uta tan zambi, ma kuru tu sala tu lo ma Bambu taune, ajipe taune, Bambu taune.